L'hôtel des chasses. Depuis le dispensaire, Nathalie me téléphone. Elle est bien rentrée. Elle attend d'être reçue par Patrice. Une demi-heure plus tard, je jette un coup d'œil à ma montre. Il n'est pas loin de midi. Elle ne devrait pas tarder à se manifester. Les minutes passent, interminables. Je commence à être un peu inquiet lorsque le téléphone sonne. C'est Nathalie. Allô, John ? Oui, Nat. Est-ce que ça va ? Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Marie et Patrice nous invitent à déjeuner. Patrice voudrait te parler. Ne quitte pas, je te passe Patrice. Un temps. La voix de Patrice qui donne des instructions. Le bruit d'une porte qui se ferme. Allô, Jean ? Oui, Patrice, tout va bien. Je n'ai pas besoin d'être devant lui pour voir le sourire de Patrice. Je l'entends à sa voix. Ne t'inquiète pas. Nathalie se porte comme un charme. Mais j'ai deux ou trois trucs à vous dire. On déjeune ensemble et je vous explique. Tu nous rejoins chez moi, nous on file directement. Ok, à tout de suite. Je raccroche, range le dossier sur lequel j'étais en train de travailler et quitte le bureau. Coupant direct à travers le patio, je me dirige vers la sortie du bâtiment. Ce n'est pas la fournaise habituelle de la mi-journée qui m'accueille. Quelque chose a changé. Le porche franchi, j'ai une vue dégagée sur la piste qui mène à l'usine. C'est très net. Là-bas, tout au fond, le mince trait noir qui court le long de la ligne d'horizon est devenu une barre. Les pluies arrivent, et ce que j'ai ressenti en sortant du bureau, c'est la sensation d'humidité et l'odeur de terre mouillée apportée par le vent. Je me gare à côté du Pajero de Patrice. Ils sont déjà là. La baie de la terrasse est entr'ouverte. À mon traditionnel « co-co-co », c'est la voix de Marie qui répond. « Entre, Jean !» Une bise pour chacune des joues de Marie qui m'accueille et referme derrière moi. Installé dans les fauteuils de salon décorés dans le style local, Nat et Patrice sont en grande conversation et se lèvent à mon entrée. Marie me débarrasse de ma mallette et j'ai droit à l'accolade à l'africaine de Patrice. Tempe contre tempe, puis à un petit bisou de Nat. Son regard et son sourire me rassurent définitivement. Tout va bien. Sur l'invitation de Marie, Nat et moi nous installons sur le canapé. Tout en servant les apéritifs et tandis que la maîtresse de maison fait passer les couacouas, Patrice, large sourire jusqu'aux oreilles, nous fait un bref compte-rendu de la consultation. C'est la première fois que j'ai l'honneur d'examiner un double docteur. Il rit et s'incline vers Nathalie. Cher ami, je vous le confirme, vous êtes en parfaite santé. Pas la moindre trace de palud ni de quoi que ce soit d'autre. Il toussote. Pour le reste, ce qui vous préoccupe n'est pas du domaine de la médecine, du moins pas encore. Je résume. Arrêtez-moi si je me trompe. Et Patrice nous fait un petit rappel de ce qu'il a retenu de notre rencontre hier matin avec le léopard, de ce que Nathalie a ressenti, puis des rêves qui s'en sont suivis. Il conclut. N'importe qui serait déstabilisé, a fortiori un occidental. Je demande. Et tu as une explication ou une théorie ? Patrice ne répond pas tout de suite. Il semble hésiter, chercher ses mots. Ni l'une ni l'autre. Par contre, je laissais parler ma culture animiste. Un petit sourire pour Nathalie. La scientifique va peut-être avoir du mal à entendre ce que je vais vous dire, mais l'Irlandaise, elle, me comprendra. Il se concentre quelques secondes, puis se lance. Ici, dans le village où je suis né, comme dans beaucoup de régions d'Afrique, nous pensons que les esprits des ancêtres sont partout, dans le vent, dans les fleuves, dans les arbres, dans les animaux de la savane et de la forêt, dans tout ce qui vit. Le vous n'existant dans aucune langue ni aucun dialecte africain, et tant il est immergé dans sa culture, Patrice ne se rend même pas compte qu'il en vient à tutoyer Nathalie. Si ce léopard s'est adressé à toi, c'est parce qu'il t'a reconnu, ou plus exactement l'esprit qui est en lui t'a reconnu. A-t-il reconnu celle que tu es, celle que tu as été ou celle que tu seras? Je ne sais pas. Peut-être a-t-il reconnu chacune de ces entités. Nathalie ne semble surprise ni du tutoiement ni du propos plus que sibyllin. C'est étrange. C'est comme entendre parler la bandruie que mes parents consultaient quand nous allions en Irlande. Patrice fronce légèrement les sourcils. Et qu'est-ce qu'une bandruie ? Nathalie s'est totalement détendue. C'est une femme initiée au mystère de l'esprit et de la nature. Pour les Gaëls, c'est une femme druide qui a de grands pouvoirs et pratique la magie. La magie qui soigne le corps et l'esprit. On dit que certaines d'entre elles sont aussi des banshees. Benside, en gaélique. Et qu'alors elles peuvent chanter dans l'esprit des hommes pour annoncer le passage d'une âme dans un autre monde. La voix de Patrice est descendue d'une octave. Tu comprends donc ce qui t'arrive ? Oui, Patrice, je comprends que cet esprit me dit de ne pas craindre l'avenir et que quoi qu'il arrive, il veillera sur moi. Je ne peux m'empêcher de réagir. En quelque sorte, c'est ton ange gardien. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi ce léopard ? Patrice me répond avec une étrange voix de basse. Il y a certainement eu un changement important dans la vie de Nathalie qui conditionne d'ores et déjà sa vie présente et ses vies futures. L'esprit connaît l'avenir, mais je ne sais pas ce qu'il a vu en elle. Il s'adresse de nouveau à Nathalie. Pas plus que je ne sais ce que signifie son message, mais il y a une chose dont je suis certain, c'est que maintenant tu es sa protégée et qu'il veillera sur toi. J'ai souvent entendu les anciens raconter l'histoire de ces esprits qui parlent aux hommes pour les mettre en garde ou leur donner sa force. Là, ce n'est pas une mise en garde. Il dit que tu n'as rien à craindre. Je sens que je vais casser l'ambiance. C'est plus fort que moi. Je ne veux manquer de respect à personne, mais je suis le seul ici à n'avoir aucun diplôme. Et comme par hasard, je suis aussi le seul à ne rien comprendre. Patrice n'a pas le temps de me répondre. Nathalie se tourne vers moi et me prend la main. Il n'y a pas une once de reproche dans son regard, seulement une grande tendresse. En fait, pas seulement. Il y a aussi une grande sérénité et une grande sagesse. Ce n'est pas une question de diplôme. Tu te souviens sans doute m'avoir entendu dire que plus je progressais en astrophysique, plus j'en venais à m'émerveiller de la grandeur et de la toute-puissance de Dieu. Je ne me souviens pas exactement des paroles, mais je crois ne pas trop le trahir en citant Voltaire, votre grand philosophe, anticlérical farouche. Il n'en était pas moins déiste, et il disait à peu près ceci. À contempler l'horloge, je ne peux concevoir qu'il n'y ait point d'horloger. Avant la démonstration scientifique, il y a d'abord la théorie, laquelle est issue de l'observation puis de la déduction. Il se peut donc que l'explication de Patrice ne soit pas tout à fait la bonne. Mais elle vient d'observations faites depuis des millénaires. Elle se rapproche étrangement de celle que donnaient mes ancêtres à ce genre de phénomène, tout comme celle des textes védiques vieux de 4000 ans. Pour que des civilisations aussi différentes aboutissent au fil du temps à des interprétations aussi proches, c'est peut-être parce que quelque part, au milieu de tout ça, se cache la vérité. Sans pour autant lâcher ma main, elle se tourne vers Patrice. Lorsque j'ai connu John et qu'il me parlait de l'Afrique, il me disait « Les Africains pensent que ce que tu vois, mais ne peux pas nommer, n'existe pas. Par contre, ce que tu ne peux voir existe, si tu peux le nommer. » Et sans gêne aucune, par rapport à nos hôtes, elle se tourne de nouveau et se penche vers moi pour me donner un baiser dans lequel il y a toute la tendresse du monde. « Je sais que tu réagis comme ça pour me protéger, John, mais tout va bien maintenant. » Et si je n'ai pas d'explication à ce qui m'arrive, je l'accepte complètement. Viendra le jour où nous comprendrons. C'est peut-être la phrase que Marie attendait pour nous convier à passer à table. Le repas se déroule dans une atmosphère beaucoup moins sérieuse qu'à l'apéritif. Patrice est sorti de son rôle de consultant spirit. Il a endossé l'habit du conteur. Dictons et blagues africaines se succèdent, ce qui fait beaucoup rire Nathalie. Le temps passe très vite et il nous faut déjà songer à reprendre le travail. Pas de sieste pour aujourd'hui. Mais Nathalie a l'air en pleine forme. Oubliez sa nuit en pointillé. Patrice et Marie nous reconduisent jusqu'au patrole. Juste au moment de refermer la portière, Patrice suspend son geste. Désolé, Nathalie. J'ai oublié de vous dire quelque chose d'important. Avant que vous ne quittiez Sanara, il faut faire savoir à l'esprit du léopard que vous l'avez accepté. Nathalie ouvre de grands yeux étonnés. Ce qui se voit au mouvement ascendant de ses sourcils même derrière ses rébanes. Et comment dois-je faire ? Il faut que vous déposiez un objet personnel près de sa tanière. Dans les yeux de Nathalie, l'étonnement fait place à l'inquiétude, mais tout le monde va être en retard. En fermant la portière, Patrice lui glisse. On se retrouve au bureau de Jean, à 18h, je vous expliquerai. Un bref passage à la grande case pour se rafraîchir et je dépose Nathalie à son QG. Je passe l'après-midi à finaliser mon rapport. Je n'aurai plus qu'à le donner à la frappe en rentrant à Paris. 18h et quelques minutes. On toque à la porte et à mon invitation d'entrer, c'est Patrice qui ouvre et s'efface pour laisser passer Nathalie. On est arrivé en même temps, à la seconde près. Je ne serai pas long. J'ai encore quelques patients qui m'attendent. Nathalie et lui prennent place sur des chaises visiteurs et Patrice explique rapidement. Il faut d'abord localiser la tanière du léopard et compte tenu du fait que cet animal a un territoire de plusieurs kilomètres carrés, ça ne va pas être simple. Il vous faudra un pisteur. Nathalie me dévisage, l'air interrogateur. Non, je ne suis pas pisteur, mais je sais où en trouver d'excellents. Je me tourne vers Patrice. Je crois que Michel pourra nous recommander le meilleur. Puis vers Nathalie. Michel Monnier, un guide de chasse. Je jette un coup d'œil à ma montre. On l'appellera dans un moment. Il a un hôtel à Sanara. Patrice reprend son explication. Avant d'arriver à la tanière, il faudra vous approcher au plus près, mais pas trop. Mais ça, le pisteur connaît. Au cas où vous n'auriez pas pisté le bon léopard, il vaudra mieux que vous soyez armé. Enfin, Michel vous expliquera tout ça. Nathalie, lorsque vous serez arrivé à une cinquantaine de mètres de la tanière, le pisteur vous le confirmera, avancez-vous seul. Vous devrez offrir l'objet que vous avez apporté en le posant sur le sol. Ne partez pas tout de suite. Si c'est bien votre léopard, vous n'avez rien à craindre. Il vous reconnaîtra. Je ne suis pas inquiet pour votre sécurité. Les pisteurs de Michel connaissent parfaitement leur travail. Faites exactement ce qu'ils vous diront et tout ira bien. Patrice regarde sa montre, se lève et s'excuse. Désolé, il faut que je file. Il fait la bise à Nathalie, me donne la collade. Tenez-moi au courant, après votre entrevue avec Michel. Allez, il faut que j'y aille. Il se dirige vers la porte et au moment de l'ouvrir, se tourne vers nous. Vous êtes magnifiques, tous les deux. Dieu vous bénisse. Juste le temps de vérifier si la porte est bien fermée. J'en reviens vers Nathalie et après lui avoir volé un bisou, m'assis à côté d'elle sur la chaise qu'occupait Patrice l'instant d'avant. Je vais appeler Michel, mais auparavant il faudrait que l'on se mette d'accord sur ta disponibilité. Il ne faut que quelques secondes à Nathalie pour me répondre. Je pense que demain conviendra le mieux. Les relevés sont terminés, sauf si nous devons en revérifier quelques-uns. Il y a une telle masse de calculs que j'avais prévu de rester au bureau. Mais bon, tout bien considéré, je peux m'absenter sans trop de problèmes. J'ai déjà planifié le travail et Sylvie et François pourront avancer sans moi. Combien de temps doit-on prévoir? On pourrait partir vers 15 heures. On a une demi-heure de route. Voyons, 2 heures sur place pour tout organiser, retour possible vers 18 heures. Mais ce serait dommage de rentrer sans goûter à l'extraordinaire poulet grillé de Michel. Nathalie réfléchit quelques secondes. Ça me va. Demain, départ 15h30. J'aurai quand même la matinée pour donner un coup de main à l'équipe. Elle sourit. J'avais prévu une grasse matinée, mais je demanderai à Sylvie de passer à 7 heures. À 7 heures-là, François est déjà au travail. Par contre, je ferai une grosse sieste. Elle rit. Pour faire honneur au poulet grillé de ton ami. Je décroche le téléphone. 4 chiffres sur le cadran. Sonnerie. J'ai passé l'écouteur à Nathalie. Voix grave. C'est bien Michel Monnier. Hôtel des Chasses, Michel Monnier, j'écoute. Salut Michel, c'est Jean, Jean Rine. Salut. Je ne connais pas 36 gens, j'en connais qu'un, et c'est un lâcheur. Un lâcheur? Ouais. Et ne me dis pas que t'étais débordé. Ça fait plus d'une semaine que tu l'as et même pas un coup de fil. Dis-moi, elle est blonde ou brune? Blonde ou brune? Oui. La scientifique dont tout le monde parle et dont tu fais le chevalier servant. Je ne suis pas son chevalier servant, ça fait partie de ma mission et elle est blonde. Tu le saurais si, comme tout le monde, tu t'es venu à la fête de fin de campagne. Bois sensiblement agacé de Michel. J'étais en Centrafrique. Tu le saurais si tu avais téléphoné. Je crois qu'il est temps pour moi de faire des excuses. Tu as raison, Michel. Je voulais le faire, mais... Mais tu n'as pas eu le temps, et tu es désolé. Bon, demain soir, c'est Méchoui Couscous, un agneau que j'ai eu ce matin. Si tu ne viens pas, c'est moi qui viens vous chercher par la peau des fesses, ta blondinette et toi. Je prouve de rire. La blondinette t'écoute et s'étonne que tu veuilles t'occuper de ses fesses alors que vous n'avez même pas été présenté. Je reçois un magistral coup de coude dans les côtes. Ça, c'est Nathalie. Au bout du fil, Michel s'étrangle. Espèce de salopard! Tu pouvais pas me le dire. De quoi j'ai l'air maintenant? Mademoiselle? Nathalie s'empare du combiné. Bonjour Michel, c'est Nathalie. Votre ami n'est vraiment qu'un malotru. Je vous remercie pour votre invitation et l'accepte avec plaisir. À demain, Michel. Elle me repasse le combiné, sourcils froncés. Tu n'es qu'un affreux bushman. Mais je vois bien les étincelles de rire dans ses yeux. Allô, Michel, tu es toujours là? On va dire demain vers 16 heures, parce que nous avons 2 ou 3 choses à boire avec toi avant le dîner. Et puis tu nous feras visiter ta merveille. D'accord, pour 16 heures. À demain. Je vous attends tous les deux. Un petit clic et la tonalité, Michel a raccroché. Nathalie me scrute, sourcils froncés. Ton ami a peut-être eu une formulation maladroite, mais Toi, tu n'as pas pu t'empêcher d'en rajouter. » J'esquisse un sourire timide. « Pardonne-moi, c'était trop tentant. » « Qu'est-ce qui était trop tentant, parler de mon postérieur ou te moquer de ton ami ?» Quelque chose dans son regard et dans sa voix me dit qu'elle n'est pas aussi mécontente qu'elle tente de le laisser paraître. Disons qu'il y avait un peu des deux, et elle me clôt les lèvres d'un baiser qui me fait vite comprendre qu'on ne va pas en rester là. L'heure a tourné et il faut penser au dîner. De plus, Nathalie doit repasser au bureau voir François et Sylvie pour les informer de son absence de demain. François est totalement immergé dans ses calculs entre un sandwich, une salade et une assiette de frites, et c'est tout juste s'il intègre ce que Nathalie lui explique. Sylvie vient juste de partir il y a 5 minutes. Il replonge le nez dans son fouille d'équations. Une petite halte chez Bertrand et Sylvie pour prévenir cette dernière. Je suis resté dans la voiture et, lorsqu'elle revient, Nathalie a l'air toute joyeuse. Nous sommes invités à dîner, et Bertrand a déjà prévenu le club. Je lui dis que c'était d'accord. Une douche plus tard, nous frappons à la porte des deux Valois. Pendant que Nathalie finissait de se préparer, j'ai fait un saut au club, récupéré une bouteille de champagne, et c'est avec la petite glacière prêtée par le chef que nous entrons chez nos amis. Je dis nos amis car depuis notre arrivée et les circonstances dans lesquelles nous avons fait connaissance, la sympathie entre nous n'a fait que grandir. Les deux femmes en particulier sont devenues très complices, et je trouve que Bertrand et moi, lui le blond, moi le brun, avons beaucoup de points communs. Tout en bavardant, il va nous falloir un peu plus d'une demi-heure pour vider la bouteille de champagne, et lorsque nous passons à table, l'ambiance est assez joyeuse. Je complète l'information que Nathalie vient de faire passer à Sylvie sur son absence de demain. Assise à côté de Bertrand, donc en face de moi, Nathalie me prend la main par-dessus la table. « John, j'y pense seulement maintenant. Pourquoi Sylvie et Bertrand ne viendront-ils pas avec nous ?» Demain matin, je mettrai les bouchées doubles avec Sylvie et François aura tout l'après-midi pour finaliser. Elle fronce les sourcils. Ah oui, mais ton ami ne sera peut-être pas tout à... Je ne lui laisse pas terminer sa phrase. Michel, non, pas de problème. Il connaît bien Sylvie et Bertrand. Je l'appelle demain matin et puis, avec sa bourde tout à l'heure, ce sera l'occasion de se faire pardonner. Nathalie sourit, ce qui attise la curiosité de Sylvie. Sa bourde, quelle bourde ! Et Nathalie de raconter la phrase un peu cavalière de Michel sur les fesses de la blondinette, ainsi que ma réplique pas beaucoup plus délicate. Bertrand sourit franchement quant à Sylvie et elle éclate de rire. J'imagine sa tête lorsqu'il te verra, parce que de ce côté-là, comme pour tout le reste d'ailleurs, la nature ne t'a pas oublié. Bertrand fronce les sourcils. Mais voyons Sylvie, quelle appréciation peux-tu porter Sylvie est lancée, le champagne peut-être. Dimanche à la piscine, tu étais pourtant là. Il n'y aurait que toi, pour ne pas avoir remarqué la chute de rein de Nathalie. Ça, j'ai du mal à y croire. Mais si c'était le cas, ce serait parfaitement discourtois. Bertrand n'a même pas le temps d'ouvrir la bouche pour répliquer que Nathalie lui porte l'estocade. Mais c'est vrai, ça, ce n'est pas très gentil, Bertrand. D'ordinaire, mes faits sont très remarqués, je dirais même très appréciés. Les deux femmes se congratulent. La température monte pendant tout le repas. Ajouté au champagne, le Saint-Émilion fait des miracles. Ces dames ont un peu le feu aux joues et sont gaies comme des pinsons. Je fais observer. Je crois qu'il faudrait quand même nous économiser si nous voulons tenir la distance demain soir. La cuisine de Michel vole des tours et la réputation de sa cable précède. Toujours prête à plaisanter, Sylvie se lève. « Tu viens m'aider, Nathalie, on va préparer une citronnelle. » Et elle ajoute, espiègle, « On va se finir à la tisane. » Elle s'éclipse vers la cuisine en riant comme de folle. Une tisane et une heure de bavardage plus tard, il faut songer à rentrer. Les deux femmes se serrent dans les bras l'une de l'autre pour un gros câlin. Sylvie a un sourire épanoui et Bertrand, me serrant la main, le remarque. Il y a des mois que je n'avais vu Sylvie aussi heureuse. Merci pour tout. À demain. Je lui rends sa poignée de main. J'appelle Michel demain à la première heure et je te rappelle aussitôt. Bonne nuit à vous. Il y a maintenant un bon quart d'heure que le patrol roule sur la piste qui mène à Sanara. Ce matin, j'ai eu Michel très tôt au téléphone et lorsque je lui ai parlé des deux Valois, il m'a demandé « Et depuis quand mes amis ont-ils besoin d'une invitation pour passer me voir ?» Sylvie et Bertrand sont donc avec nous. Les deux femmes ont tenu à monter à l'arrière et Bertrand s'est installé à côté de moi. L'état de la piste n'est pas terrible et je roule assez lentement pour éviter trop de secousses à nos passagères. Dans le 4x4, le mutisme masculin contraste avec la joyeuse ambiance féminine. Nathalie nous interpelle. Et les hommes, vous êtes sûr d'être tout à fait réveillé? La sieste est finie. Sans me départir de mon calme, je rétorque. Nous ne voulons surtout pas interférer, et nous n'avons pas assez d'oreilles pour vous écouter. Le seul effet de ma réplique est de faire repartir les bavardages de plus belle. La démonstration est faite que deux scientifiques en jupon peuvent parler d'autre chose que de mécanique quantique ou de calcul différentiel. Pour l'heure, ces dames discutent de la nécessité de porter des sous-vêtements de coton sous les tropiques. Pour le reste, on jurerait qu'elles se sont donné le mot. Malgré mes conseils et ceux de Bertrand, leur recommandant de privilégier le côté pratique, toutes les deux ont choisi d'abandonner leur éternel blue jean pour des robes droites à fines bretelles en stretch de coton, blanches pour la brune et noires pour la blonde. Exitent aussi les patougas et les santiags, remplacés par des sandales à petits talons lacés au-dessus de la cheville. Pour cette soirée à l'hôtel des chasses, elles ont décidé de mettre leur féminité en valeur, ayant ma foi très bien réussi. La coupe à la garçonne dissymétrique et les mèches roses de Sylvie ne peuvent pas plus passer inaperçues que la crinière blonde de Nathalie. L'hôtel des chasses est presque au centre de la bourgade, après la place de l'Indépendance, non loin de la poste. Je quitte donc la route principale et m'engage à gauche vers le centre-ville. 2 minutes et nous y sommes. Maintenant, la piste suit un long mur d'enceinte blanchi à la chaux de près de 3 mètres, couronné à son sommet et sur toute sa longueur de somptueuses grappes de bougainvilliers multicolores. Devant cette profusion de couleurs, Nathalie s'extasie. « Mon Dieu, que c'est beau !» La voix calme de Bertrand lui répond. « Oui, et aussi très efficace. »« Efficace, je ne comprends pas. » Bertrand se tourne vers elle. « Regarde attentivement et tu verras que les branches sont recouvertes d'épines acérées qui de plus sont très toxiques. Avec les 2 mètres d'épaisseur de la haie derrière le mur, personne ne se hasardera à essayer de le franchir. C'est plus efficace que des barbelés électrifiés. » Dans le rétroviseur, je vois l'expression de Nathalie. Pourquoi? Y a-t-il quelque chose à craindre? Non, mais la clientèle fortunée de l'hôtel est très pointilleuse sur les questions de sécurité. Michel t'expliquera mieux que moi qui sont ses clients. Nous arrivons devant un très grand portail de bois en hiroko massif à 2 vantaux qui s'ouvre sans même que j'aie à klaxonner pour manifester notre présence. L'effort évident des 2 grands gaillards qui manœuvrent chacun un ventail laisse deviner leur épaisseur et leur poids. J'engage le patrouille dans l'allée d'une 100 mètres qui conduit un bâtiment de plein pied tout en longueur. Comme nombre de constructions en Afrique, la toiture est tantôt ondulée d'aluminium, mais ici elle est recouverte de très fins roseaux et ressemble à s'y méprendre à la couverture de chaume de nos longères normandes. J'explique à Nathalie que le rôle de ces roseaux est double, isolant thermique pendant la saison sèche quand la chaleur est au plus haut, et isolant phonique lors des pluies diluviennes qui d'ailleurs ne vont pas tarder. Bertrand et moi avons remarqué que la ligne sombre qui barre l'horizon s'est très nettement renforcée depuis hier. Le portail se referme derrière nous à l'instant même où je stoppe devant l'escalier à 3 marches, menant à une large terrasse qui fait le tour du bâtiment. Nous n'avons pas le temps de descendre de voiture que la haute silhouette de Michel Monnier s'inscrit déjà en haut des marches. L'homme est impressionnant. Vêtu d'un jean et d'une chemise de coton blanc, la bonne 50aine, pas loin du 1,90 m pour sans doute 100 kg. Sa carrure remplit l'espace. La démarche souple, il dévale les 3 marches comme un jeune homme. La tignasse poivre et sel encadre un visage buriné par le vent et le soleil. Une vraie gueule de condottiere. Nous ignorons où sensiblement Bertrand et moi, il s'empresse de faire descendre ces dames, s'inclinant devant elles comme si elles étaient 2 altesses royales. Sylvie, descendue la première, puis Nathalie ont droit chacune à un baise-main d'anthologie. Je connais l'attirance que les hommes mûrs et athlétiques exercent sur Nathalie, et je suis sûr que Michel est de ceux-là. Le regard qu'elle me lance à la dérobée vient lever le doute que j'aurais pu avoir à ce sujet. Michel le chasseur n'a pas pu ne pas remarquer que son charme de corsaire a fait mouche. Dois-je craindre une soirée drague, d'autant qu'il ignore que Nathalie et moi sommes ensemble? Mesdames, soyez les bienvenus. S'effaçant galamment, il leur cède le pas dans l'escalier. Il en profite au passage pour glisser un petit mot à l'oreille de Nathalie. « Désolé pour le malentendu d'hier. Je vous présente encore toutes mes excuses. » Le regard qu'il jette sur la chute de rein de Nat dément en partie ses paroles. Tout sourire, cette dernière lui rend son regard admiratif. « Mais ce n'est rien, voyons. Oublions cela. Et puis si maladresse il y a, elle est à mettre au compte de Jean. » Le sourire qu'il m'adresse, accompagné d'un petit clin d'œil, signifie nettement que je dois m'attendre à une séance provocation pour prix de ma répartie un peu lourde. La question que je me pose est de savoir si sa réaction aurait été la même en présence d'un tout autre personnage, gros, moche, vulgaire. Je pense que oui, mais qu'elle y aurait sûrement pris moins de plaisir. Je prends mon temps pour donner quelques consignes au chauffeur qui s'est présenté pour garer le pétrole. Michel s'impatiente. « Hé, les gars, il vous faut un carton ou quoi ? Peut-être un baise-main, comme à ces dames ?» Le tri du rire de Sylvie est contagieux et Nathalie la suit de son rire de gorge. Il n'y a plus de doute possible, elle est en mode séduction. Sur la terrasse, Michel, encadré de ses deux admiratrices qu'il tient chacune par la main, se dirige résolument vers l'extrémité du bâtiment. « Allez, en route pour une petite visite. » À l'intention de Bertrand, Sylvie et moi-même. « Vous connaissez déjà la maison, mais madame vient ici pour la première fois. » Second baise-main sur le bout des doigts de madame. Ni Sylvie, ni Bertrand, ni moi ne nous formalisons de ce style Casanova. Nous connaissons bien Michel. C'est sa manière d'être avec toutes les femmes. Très galant et séducteur, mais toujours respectueux. Avec lui, il ne se passe jamais rien que la dame n'ait expressément encouragé. Comment justement dire à Nathalie de ne pas trop l'encourager, pour ne pas avoir ensuite à faire une marche arrière précipitée? Je réalise tout à coup que toute crainte de ma part est totalement stupide. Nathalie est très fine mouche, et je sais qu'elle a un sixième sens. Elle ne fera rien qui puisse rendre la situation scabreuse et compromettre la soirée. Bertrand me regarde avec un sourire qui signifie « Décidément, Michel ne changera pas ». Toutes ces cogitations nous ont conduits à l'extrémité du bâtiment où la vue sur les jardins et la piscine est magnifique. Nathalie s'extasie sur cette splendeur et s'étonne que l'on puisse obtenir une végétation luxuriante et des pelouses aussi vertes sous un climat aussi sec que celui du Tchad. Notre hôte se fait un plaisir d'expliquer que ce miracle n'en est pas un. Sa propriété est alimentée par un forage. Avant que je ne fasse faire ce forage, il y a maintenant plus de 20 ans, cet endroit n'était qu'un terrain desséché avec 3 ou 4 épineux rabougris et cet hôtel se composait de 5 ou 6 tentes. J'ai fait un petit héritage et j'ai tenté le coup. Ce qu'oublie de dire Michel, c'est que son héritage était tout sauf petit et qu'avec les fluctuations politiques du pays, la clientèle n'est pas toujours au rendez-vous. Son exploitation est juste à l'équilibre et encore, ne se verse-t-il aucun salaire arguant qu'il a d'autres sources de revenus et que si son hôtel est sa seule maîtresse, son job de guide de chasse est toute sa vie. Michel pousse une double porte sculptée de symboles locaux. Je profite de la saison des pluies pour refaire la déco des chambres. Je n'ai gardé opérationnel que la suite du grand coudou, une grande antilope, au cas où. Elle a été refaite l'année dernière, voyez-vous-même. Je connaissais les autres chambres de l'hôtel, mais je n'avais encore jamais vu la suite. C'est une splendeur. Dès le vestibule, la première chose que l'on remarque est le plancher en acajou massif aux reflets cuivrés. Le bois doit venir du sud de la Centrafrique. Le premier réflexe de Nathalie et de Sylvie est d'enlever leurs chaussures. Michel s'exclame. Ne vous donnez pas cette peine. À moins que vos semelles ne soient faites de papier de verre, ce plancher ne risque rien. Ce bois est presque plus dur que l'acier. Nous avançons donc dans le vestibule superbement décoré de 2 consoles d'ébène. Au mur, un grand miroir en bois doré. Nous déboucherons dans un immense salon dont la baie donne sur la terrasse, la piscine et les jardins. Je comprends pourquoi la terrasse se termine par un grand panneau parvu en roseaux tressés. La suite possède une terrasse et un jardin privatif. Sur le plateau d'Iroko de plus d'un mètre de diamètre de la table basse, les 1000 reflets d'une splendide géode de quartz. Pour s'asseoir, 2 canapés de cuir disposés de part et d'autre de la table, 2 fauteuils et quelques poufs. Dans l'angle, un bar en acajou massif sculpté de motifs géométriques. Sur les murs, masques, boucliers, sagaies et toiles de korogo. Au plafond, 2 grands brasseurs d'air. Nathalie s'exclame. On se croirait dans un roman d'Hemingway. Ce qui semble ravir notre hôte. C'est l'atmosphère que j'essaie de rendre. Tenez, voyez plutôt la chambre et la salle de bain. Une cloison persiennée en fraquet nous en sépare. Michel fait coulisser un des panneaux et s'efface pour nous laisser passer. À quelques détails de décoration près, la pièce est identique à la chambre de la grande case qui abrite nos nuits depuis plus d'une semaine. Seules les essences de bois sont différentes, pour le lit en particulier, dont la taille est cependant à l'identique de celui que nous connaissons. Je parierais pour ma part qu'il sort des mains du même artisan que celui de la grande case. Sylvie, qui ne connaît pas la grande case, s'en étonne. Mon Dieu, on pourrait dormir à 10. » Bertrand tempère son enthousiasme. « N'exagère pas. 4 ou 5, guère plus. »« Ok, tu as raison. 10, ça ferait quand même un peu serré. » Je jette un coup d'œil par la baie qui donne sur un jardin clos à la pelouse irréprochable. Je me tourne vers Michel. « Je ne sais quelle variété tu utilises, mais ton paspalum est superbe. » Me prenant avec Bertrand par les épaules, Michel nous entraîne vers la sortie, m'expliquant qu'il doit les graines à Bertrand qui a la même pelouse chez lui. Puis il vend un peu la voix pour être entendu de ces dames qui papotent sur la magnificence de la salle de bain. « Bien. Je vous propose d'aller boire une tasse de thé. C'est un mélange de ma composition. Vous m'en direz des nouvelles ? Et l'on en profitera pour parler de ce pisteur que tu m'as demandé ce matin au téléphone. »